Les éditions de l'Avenir présentent Le maniaque électrique. Un texte de Christian Martin paraît à l'origine dans La geste des princes démons en septembre 1992. J'aspire à la tranquillité, à la quiétude. Mais l'aspirateur et son tintamarre féroce s'acharnent à m'en priver. J'ai les nerfs en pelote. Chaque brin est enroulé si serré sur le précédent que le poids formidable de la balle de nerfs n'a plus rien à voir avec son volume insignifiant. Pourtant, j'avais pris mes précautions. Le bruit de l'aspirateur m'a toujours stressé. Au début, pour l'éviter, je m'armais du plumeau et du balai et je prenais les devants. J'eus beau m'appliquer, jamais je ne pus satisfaire l'appareil qui repassait invariablement derrière moi. Je tentai par la suite de lui fignoler un silencieux. Sans grand succès, je l'avoue. Mes talents de bricoleur sont très limités. J'essayai alors la méthode de la privation, c'est-à-dire que je le privais de son filtre. Cela ne l'arrêta pas. Essoufflé, mais ne m'avouant pas encore battu, je cachai soigneusement ses accessoires. Ne me demandez pas comment, mais il les retrouva tous. Découragé, je jetai enfin la serviette et déménageai en l'oubliant volontairement. Mais mon ancien propriétaire, plein de bonne volonté et d'espoir de récompense, me rapporta l'engin qui s'installa dans son nouveau cadre avec entrain, bénissant sûrement la négligence de son prédécesseur qui lui procurait une chasse mémorable. J'en pris donc mon parti, me disant qu'un jour, il se fatiguerait. J'avais tort. Je succombai le premier. Un beau matin printanier, alors que je tentais tant bien que mal d'écrire le dénouement d'une histoire horrifique, l'instrument de torture, avec sa manie de la propreté, faisait un boucan d'enfer à quelques pas de moi. Il s'acharnait malicieusement à insérer son organe le plus étroit entre les bouquins de ma bibliothèque. Je n'en pus plus. En un bond exaspéré, je me lançai sur sa fiche et l'arrachai violemment du mur. L'aspirateur émit un sifflement de protestation. « Ah, c'est comme ça !» criai-je à l'appareil. À grandes enjambées furieuses, je m'éloignai. Et revins la hache à la main. D'un seul élan, je sectionnai le fil qui l'avait relié à la prise murale. Je ne fis guère attention à la blessure sournoise laissée dans le parquet du bureau. La colère, comme l'amour, rend aveugle. Avec des gestes vifs, je me saisis de l'appareil amputé et le projetai avec force dans le fond du placard. La journée s'écoula en me laissant le temps ici et là de songer à nouveau à l'incident du matin. L'autocritique admit que ma réaction avait été enfantine. Mais cela ne m'empêcha pas de m'endormir la nuit venue. Je faisais mes nuits depuis le moment où j'avais cessé de porter des couches. Je fus donc étonné de m'éveiller alors qu'il faisait encore noir. Intrigué, je jetai un œil sur le cadran lumineux du réveil. 2h20. Aïe, songeai-je. Il est beaucoup trop tôt. Et je replongeai la tête dans l'oreiller en me demandant bien ce qui m'avait éveillé. Comme le sommeil alourdissait à nouveau mes paupières, je perçus un grattement. L'esprit aussitôt en alerte, j'attendis dans l'expectative. Le grattement se reproduisit. Les yeux soudainement grands ouverts, je pris appui sur un coude. Le bruit semblait provenir du mur me faisant face. Un rat, pensais-je. Légèrement nerveux, je ne raffole pas ces bestioles. J'allumai la lampe de chevet. Un nouveau gratte-crête me fit sursauter. On dirait que ça vient de la pièce voisine, me dis-je, pas du tout tranquille. Quittant le havre de mon lit, je pris refuge dans mes pantoufles et laissai ma chambre derrière moi, n'en gardant que des regrets. À l'abri, contre le chambranle, je lançai un œil circonspect dans le bureau. Silence. Dans ce temps d'attente, je maudissais ma solitude. La compagnie m'aurait forcé à jouer au brave, ne fût-ce que pour ne pas perdre la face. J'inspirai profondément à m'en faire péter les poumons. Je tentai de me convaincre que la manœuvre rassemblait mon courage. J'hésitais encore. Nouveau grattement. D'un coup de pied aux fesses, je me forçai à pénétrer dans la pièce. Ma jambe gauche s'enfonça dans le vide jusqu'à la cuisse. Je criai. La panique m'envahissait. Ma respiration se fit plus rapide. Je tentai en vain de me dégager. La lumière se fit, brutale, m'aveuglant un moment. Tout à mes efforts pour me libérer, je ne l'avais pas entendu s'approcher. Et pourtant, je me rendais bien compte maintenant qu'il était la cause de mes tourments. De son long boyau, il avait fait basculer l'interrupteur et permis ainsi d'éclairer la scène. Le plancher, vil complice, s'était servi de la blessure que je lui avais infligée pour me piéger. L'aspirateur de ses chromes me regarda, menaçant. Un grand renfort de sifflements et de cris sur aigus, il me fit comprendre qu'il n'avait pas apprécié de se faire couper le cordon. Je comprenais parfaitement. D'autant plus que depuis un moment, son inspiration puissante visait, à travers ma culotte de pyjama trop mince, une partie particulière de mon anatomie. Je repoussai chaque attaque avec l'énergie du désespoir. Lorsqu'il m'eut acculé aux larmes, je lui promis d'être gentil à l'avenir. Cela le contenta, puisqu'il cessa ses avances. Les lèvres du plancher me libérèrent et je m'en extirpai avec un soupir de soulagement. J'ai rafistolé le cordon électrique de l'aspirateur et j'ai pansé au mieux la blessure du parquet. Peut-être, à la longue, aurais-je pu me convaincre que j'avais rêvé toute cette histoire à cause d'un sentiment de culpabilité. Mais, toutes les nuits, vers 2h20, le maniaque de la propreté me persuade du contraire lorsque, dans un boucan du diable, il chasse la poussière à travers l'appartement. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté Le maniaque électrique, un texte de Christian Martin. Tous les droits appartiennent à leur auteur. Ils sont protégés par copyright.